morte ou vivante. Morte ou vivante. Évidemment. Merci beaucoup. Merci, merci d'être là, aussi nombreux. Et je suis très honorée parce que je vais vous lire le scénario d'un jeune réalisateur, Pablo Agüero. Et comme ça, vous allez le découvrir avant que son film soit réalisé. Nous sommes en Argentine, en 1946. Une junte militaire est au pouvoir. La bourgeoisie se sent protégée. Buenos Aires ressemble à une ville européenne. Mais le 17 octobre, des centaines de milliers de manifestants envahissent les rues. Ce sont des ouvriers en bras de chemise, des paysans, des indiens, des cuisinières, des femmes de ménage. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds dans la capitale. Les militaires, pris de court, les regardent passer, se laver les pieds dans les fontaines, grimper aux lampadaires, s'appuyer contre les vitrines des magasins de luxe pour manger un bout de pain. Cette marée humaine prend possession de la place de Mai, pacifiquement, par sa seule présence. Elle fait tomber la dictature. Qui a ameuté cette foule? Plusieurs syndicats et une femme, Eva Perón, la jeune passionnariat que le peuple appelle affectueusement Evita. Des élections libres sont organisées. Juan Perón devient président. Evita, son épouse, continue à soulever les masses prolétaires. Le 1er mai 1952, pour la fête du travail, ce sont 2 millions de travailleurs qui viennent manifester leur soutien à Evita. Ils inondent jusqu'à l'horizon l'avenue du 9 juillet, la plus large du monde. Ils y restent jusqu'à la tombée de la nuit, allument des flambeaux, scandent à l'unisson « Evita ». Enfin, sur la ville éclairée par les flammes, la voix brisée d'Evita surgit des haut-parleurs. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Les spéculateurs capitalistes, les traites oligarchiques qui veulent vendre notre pays doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a pas de force capable de soumettre un peuple conscient de ses droits. La patrie est réunie ici à l'appel des camarades de la Confédération Générale du Travail pour soutenir le leader dans sa lutte contre les politiciens véreux, contre les impérialistes de droite ou de gauche. Je demande à Dieu d'empêcher ces insectes de lever une main contre Perón. Parce que ce jour-là, mon général, je sortirai avec le peuple travailleur, je sortirai avec les femmes du peuple, je sortirai avec les sans-chemises de la patrie, je sortirai morte ou vivante. Morte ou vivante. Voilà le générique, Evita. Le titre apparaît. On est dans la résidence présidentielle, dans la chambre. Les yeux d'Evita sont ouverts, fixes. Après une légère contraction de la paupière, les pupilles d'Evita se dilatent. On entend des respirations très proches. Une main passe la flamme d'une allumette devant les yeux d'Evita, pas de réaction. On entend des pleurs, des plaintes étouffées. On est sur les yeux d'Evita qui soudain s'inondent de larmes, puis offrent des pas, de coups de poing contre un mur, la voix d'un homme qui éclate en sanglots. Il n'y a pas de Dieu, pas de Dieu. Des chuchotements, une porte qui s'ouvre de tour de clé. Et deux hommes s'approchent doucement. Le docteur Hara et son assistant. Le visage du docteur se reflète dans les yeux brouillés d'Evita. Il parle tout bas, comme s'il ne voulait pas la réveiller. Il parle à son assistant, il dit « Regardez, observez attentivement, c'est un don du ciel. » Il ferme les yeux d'Evita avec ses gants en latex. Et les larmes débordent sur les joues de la jeune femme. Elle pleure. Le docteur, non, c'est la déshydratation des globes oculaires. La mort vient juste de commencer son travail. Et nous sommes déjà là pour l'arrêter. Le cou d'Evita est enflé comme si elle criait encore. Le docteur lui tâte la jugulaire. La bouche entrouverte d'Evita et le docteur la coupe par l'intérieur. Il tire le fil et la bouche se ferme, sans laisser trace de l'opération. C'est une occasion unique, mon garçon, inédite dans l'histoire de la science anatomique. On découvre les épaules et la poitrine d'Evita, maigre, marmoréenne, d'une beauté cristalline. Le docteur la parcourt avec son index. Observez ce corps jeune et vigoureux. Le cancer a fait un excellent travail. Il n'y a quasiment plus de lipides, il ne reste que les muscles, les os et la peau. Vous vous souvenez des trois sœurs? Pallor mortis, livor mortis et rigor mortis. Nous sommes à peine au stade de pallor mortis et le docteur Hara masse le poing serré d'Evita avec de la crème pour le détendre et en ouvrir un les doigts. Regardez, elle pâlit à vue d'œil. Sa peau est encore vivante. C'est la piloérection du dernier frisson. Le pubis d'Evita, sa peau blanchie, un halo rose descend vers ses fesses, une étrange sensation de vie. Et puis on entend le bruit glacial et métallique des instruments chirurgicaux. Le sang descend. On va bientôt voir un hématome vert, ici, sur la métastase cancéreuse de l'utérus. Le moment est venu de lui vider le cœur. En effet, on voit une sorte de feuille verte aux mille nervures qui commence à se dessiner sous la peau du bas-ventre et le docteur enfonce dans le sternum d'Evita une croix en fer terminée par un tube en plastique et il branche le tube à une pompe. Venez, venez, écoutez son bas-ventre. À l'intérieur, la mort résiste. Tremblant, le jeune assistant pose un stéthoscope sur le bas-ventre d'Evita. Et en effet, les bruits intérieurs évoquent des explosions, des déflagrations, des déferlements. Le docteur va respirer à la fenêtre. On le découvre, il a une soixantaine d'années, son allure est austère. Et quelque chose par la fenêtre, soudain, attire son attention. Sur le mur de l'immeuble en face, on vient de peindre « Vive le cancer ». Thank you. cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Nous avons le regret d'annoncer au peuple de la République argentine qu'à 20h25, Madame Eva Perón, chef spirituel de la nation, est entrée dans l'immortalité. Le jour se lève, il y a une pluie torrentielle et on voit des kilomètres de queues dans les avenues, des prolétaires avec des journaux en guise de parapluie, des ouvriers, des enfants, des retraités, tous en larmes. L'immeuble de la CGT recouvert de fleurs, surmonté d'un gigantesque portrait d'Evita. On entre dans le salon principal de la CGT, transformé en chapelle ardente. Il y a une foule compacte et tout le monde attend son tour avec impatience. On découvre le couvercle transparent du cercueil. Un ouvrier l'embrasse en pleurant, une femme s'évanouit, des infirmiers l'emportent sur un brancard, un paysan s'agrippe au cercueil, les policiers sont obligés de l'en détacher. Sur le couvercle transparent, il y a des traces de larmes, de morve, de sang. Macera, qui a 30 ans. Là, il est simplement chef de campagne de la marine. Il s'incline devant le cercueil et sa haine et son humiliation sont palpables. En se relevant, il touche le couvercle transparent avec sa main gantée de blanc et son gant étaché. Macera, dégoûté, s'assure que personne ne le regarde, il enlève le gant qui a touché le couvercle et le jette dans une poubelle. D'autres militaires de la marine se penchent vers le cercueil. Leur attitude obséquieuse cache un profond malaise. Le docteur monte la garde à côté du corps discrètement, à l'affût du moindre incident. On lui tape tout à coup sur l'épaule, il se redresse, il sursaute et il découvre un petit homme trapu qui porte un costume noir brillant. C'est le ministre Mendez. Docteur Ara, je suis le docteur Mendez, cardiologue, poète et ministre des Affaires techniques. Tout le plaisir est pour moi, monsieur le ministre. Le ministre empoigne la main du docteur, il essaie de le prendre dans ses bras. Le docteur l'esquive, subtilement. Avec tout le respect que je dois à votre rang, j'aurais voulu vous faire part d'une inquiétude. Je vous écoute, dit le ministre. Ara regarde du coin de l'œil quatre ouvriers, musclés, raccompagner les militaires à la porte. Vous savez que cette opération exige des mesures extrêmement rigoureuses d'hygiène, de sécurité. Je pense sincèrement que la CGT n'est pas le lieu idéal dans les circonstances actuelles. Le ministre, avec un sourire forcé, lui dit « Mais de quelles circonstances parlez-vous » Ara n'ose pas répondre. Il regarde ailleurs et il se rapproche d'une jeune femme de ménage qui nettoie les escaliers de la CGT. Il lui fait signe de se hâter et les quatre ouvriers montent le cercueil au troisième étage. Ara est très attentif, les suivent et son assistant et le ministre font de même. Le ministre continue à parler. « Monsieur le docteur, Evita a promis aux ouvriers qu'elle resterait avec eux, ici, à la CGT, jusqu'à ce que son mausolée soit terminé. Qui oserait contredire les dernières volontés d'Evita ? Moi, vous ? » Un ouvrier glisse sur les escaliers, Le docteur sursaute, les autres ouvriers basculent, manquent de tomber, mais retrouvent l'équilibre et continuent leur chemin. Le docteur respire soulagé et le ministre en profite pour lui glisser deux enveloppes épaisses. 50 000 $ pour commencer, c'est suffisant ? Je suppose. Le docteur range les enveloppes dans ses poches. Vous ne recomptez pas ? Pas entre gentlemen. On dit des merveilles de votre travail, docteur. C'est vrai que vous avez embaumé Lénine ? Je ne vous cache pas que cela m'a été proposé, mais je n'aurais accepté en aucun cas. Je suis allergique à la politique. Cela fait sourire le ministre. 4 gardes du corps armés jusqu'aux dents surveillent le 3e étage. Le premier ouvre la porte blindée et les ouvriers entrent avec le cercueil. Voici les gardes du corps d'Evita. À partir d'aujourd'hui, ils sont sous vos gardes. La CGT est le lieu le plus sûr du monde, docteur. Ici, personne ne fait de politique, mais nous sommes tous péronistes. Oh, moi, vous savez, dit le docteur, j'arrive de Saragosse, je ne suis pas argentin, je ne suis pas péroniste. Ne vous inquiétez pas, docteur, vous le deviendrez. Enfin seul dans le laboratoire, le docteur ferme très doucement la porte blindée à double tour. Il enfile ses gants en latex et la pièce vient d'être seulement aménagée en laboratoire d'embaumement. Des cartons, des caisses restent à vider. L'assistante lui dit « Mais docteur, vous voulez un peu de musique ?»« Ah, ce n'est pas de refus. » L'assistant met la radio. Pendant que le docteur ouvre le cercueil et couvre les yeux, la bouche, la poitrine d'Evita avec de la gaze. La radio est ouverte, on entend un requiem de guerre. Il change de fréquence, toujours le requiem, il change encore, toujours le requiem. Au travail, dit le docteur. Avec son assistant, il porte le corps nu d'Evita. Il le plonge délicatement dans une piscine en verre à remous, remplie d'un liquide bleuâtre. Petit à petit, tous les fluides seront remplacés par l'acétone. On va se relayer jour et nuit, toutes les 3 heures, pour vérifier l'évolution de la déshydratation. Mais qu'est-ce qui peut arriver, docteur ? Rien si nous sommes vigilants, sinon le pire. Il faut éviter les moindres courants d'air, des virus, des changements de température. Le requiem s'arrête. La subsecretaria d'informaciones de la presidencia de la nación. Nous avons le regret d'annoncer au peuple de la République argentine qu'à 20h25, Madame Eva Perón, chef spirituel de la nation, est entré dans l'immortalité. Et dans le silence, Evita tourne lentement dans la piscine en verre. Là, nous sommes dans les escaliers maintenant, qui sont recouverts de couronnes de fleurs. Un gros syndicaliste les pousse contre les murs pour dégager le passage, parce que derrière lui, il y a 4 ouvriers qui porte une sculpture. Et Ara entr'ouvre la porte. « Bonjour, » lui dit le syndicaliste. Il tarde à répondre. Le syndicaliste le salue d'une poignée de main et il s'avance pour le prendre dans les bras. Ara s'apprête à refermer la porte. Et le syndicaliste dit « Mais on aimerait la voir. » « Ah non, les produits que nous employons sont extrêmement toxiques, inflammables. Tiens, pour vous donner une idée, c'est comme si l'air était imprégné d'essence. Les ouvriers retiennent instinctivement leur respiration. Retranché derrière lui, l'assistant observe le syndicaliste, gros bras tatoué, revolver glissé dans la ceinture. « Je vous prie d'éteindre votre cigarette, » lui dit le docteur. « et le docteur l'écrase frénétiquement. Mon laboratoire n'est pas une consigne, monsieur. Les deux gardes du corps discutent à voix basse. Le docteur se déplace pour ne pas être dans la ligne de mire de leur mitraillette. Et il dit, messieurs, à partir de maintenant, vous remplacerez ces armes par des extincteurs. Mais docteur, vous ne savez peut-être pas, mais il y a déjà eu 2 tentatives de coup d'État. Ne me parlez pas de politique. Les militaires sont catholiques, jamais ils ne profaneraient un cadavre. En revanche, le feu ne respecte aucune hiérarchie. Et tout doucement, il pousse les syndicalistes hors de la pièce. On se retrouve dans l'escalier qui est toujours recouvert de fleurs. Il y a une femme de ménage qui allume des dizaines de bougies posées sur les marches. Elle chantonne un boléro. Il n'y a plus d'allumettes, alors elle décolle une bougie, elle s'en sert pour allumer les autres. Et peu à peu, la jungle des fleurs est illuminée par les flammes. Puis on retourne dans le laboratoire. Et on voit que tous les meubles du laboratoire sont recouverts de draps. Toutes les lampes sont éteintes. Il y a un réflecteur dirigé vers le centre de la pièce et qui éclaire les lieux. Et le docteur entre dans le halo de lumière. Il tient une spatule et un pinceau dans la main. Dans l'autre, une palette de peintre recouverte d'un dégradé de couleur, du rouge au blanc. La peau est légèrement rugueuse, alors le docteur la recouvre d'une peinture épaisse. Une tache violette sur le bas-ventre d'Evita, le docteur la peint avec du rose clair. « Vous voulez un verre d'eau, docteur ?» dit l'assistant. « Avec 2 comprimés d'amphétamine, s'il vous plaît. Et veillez à ne pas soulever la poussière quand vous marchez. » Le docteur continue d'examiner, de caresser, de sentir Evita. Il découvre, il corrige d'infimes imperfections. Il met un peu de rouge sur ses tétons, un peu de brillant sur ses lèvres. Vous ne voulez pas vous reposer un peu, docteur? Dans 3 mois, c'est son anniversaire. Le public viendra la voir. Il faut qu'elle soit prête. Mais elle est parfaite. Pour atteindre la perfection, il faut trouver les défauts. Et cette femme, elle a été tellement malmenée par la vie. Il a l'air épuisé, il prend le verre d'eau, les 2 médicaments. Il avale le tout d'une gorgée, il se remet au travail. Essayez de ne pas bouger. Évitez les courants d'air, respirez le moins possible. « Mais ça sent une drôle d'odeur, » dit l'assistant. « C'est normal ?»« Mais absolument. C'est la cadavérine, l'odeur de la mort, mais aussi de la vie. On la rencontre dans les tumeurs cancéreuses, dans les cadavres, mais aussi dans les liqueurs séminales. L'être humain, inconsciemment, est attiré par les odeurs que sa conscience d'adulte rejette. Au fond, on voudrait tous revenir. » Il se tait parce que son regard est tombé sur les 2 malles de la Fondation Evita. Il les ouvre une à une. Elles sont pleines de mitraillettes. Ensuite, dans les escaliers, en fin d'après-midi, ce ne sont pas seulement les escaliers qui sont couverts de fleurs, mais aussi le palier du 3e étage. Le ministre Mendès est accompagné du coiffeur, de l'esthéticienne et le couturier de Madame Evita Perón, qui sont émus par cet hommage collectif. Apportent chacun une valise à la main et fièrement, le docteur Hara les attend devant la porte ouverte. La radio recommence et diffuse toujours ce requiem de la guerre. Et à peine entré dans le laboratoire, M. Mendet et ceux qui l'accompagnent s'arrêtent, tétanisés. Evita, recouverte d'un drap jusqu'au cou, gît sur une table d'auscultation. Elle a l'air de dormir. L'esthéticienne avance, elle ouvre sa valise rose et sort un chapelet qu'elle s'apprête à accrocher aux mains d'Evita. Mais à peine touche-t-elle la peau d'Evita qu'elle se met à pleurer. « Evita, vous êtes toute froide. » On n'a pas eu le temps de voir Evita en entier que déjà tout le monde s'affaire autour d'elle. L'esthéticienne lui peint les ongles en rouge carmin. Le couturier ajuste la robe sur son corps. Le coiffeur lui lave les cheveux. Monsieur Mendet prend un rat à part et lui donne une enveloppe épaisse. Les autres 50 000. Docteur, le général Perron et ses plus proches collaborateurs ont décidé... Ah, je voulais vous le demander. On pense que vous êtes l'unique personne à pouvoir la garder jusqu'à l'inauguration de son mausolée. Ici, dit le docteur, dans la CGT. Combien de temps? Eh bien, pas plus de... Mais je ne voudrais pas vous mentir. Et il s'arrête, il contemple le visage d'Evita. Avec une douceur infinie, le coiffeur teint en blond, platine, les racines noires d'Evita. Il regarde la morte et il dit « Quelle perfection !» Le docteur rétorque, rien n'est jamais assez parfait. Et puis, le docteur remarque des éclaboussures sur le visage d'Evita, alors il fronce les sourcils, il respire l'air, mais il dit, quel est ce produit? Ah, dit le coiffeur, on a tous nos petits secrets. Mais le docteur lui dit, mais vous savez, les cheveux peuvent se détacher. J'ai les racines noires, qu'elle m'a dit. N'oublie pas de les cacher quand tout sera fini. Ce sont ses mots, ses dernières volontés. Et il s'effondre en larmes. Le docteur lui tourne le dos mal à l'aise. Il s'assure que les aiguilles du couturier ne blessent pas Evita. À ce moment-là, le coiffeur s'adresse à lui de nouveau et lui dit « J'étais le premier visiteur du matin et le dernier visiteur du soir. Et vous savez pourquoi ?» Madame passait 16 heures par jour à recevoir les pauvres. Résultat, chaque nuit, je lui enlevais l'époux. C'est dingue, non? Où est-ce qu'on avait une première dame avec des poux? La radio recommence et diffuse toujours ce requiem de la guerre. Nous avons le regret d'annoncer au peuple de la République argentine à 20h25, Madame Eva Perón. Mais le docteur s'exclame, mais changez-moi cette radio, pour l'amour de Dieu. Ça fait 15 fois qu'ils nous le disent. Mais non, docteur, ça fait 3 minutes que vous ne dormez pas. Alors là, on revoit des images d'archives, la foule qui fait de nouveau la queue pour embrasser le cercueil d'Evita. C'est la nuit, des milliers de personnes avec des torches arrivent par différentes avenues, ils murmurent des prières inintelligibles, ils entourent la CGT et ils s'arrêtent sous le gigantesque portrait d'Evita. Ils portent des flambeaux et c'est un océan de feu. D'autres flambeaux surgissent à l'horizon, les braises montent dans le ciel et se perdent dans le noir. On entend toujours les prières de la procession. Evita gît dans un nouveau cercueil tout en verre. Ce cercueil est tout au milieu du salon principal. de la CGT décorée comme une chapelle ardente. La femme de ménage les suit avec une douceur infinie. Elle nettoie les traces de doigts, de morve, de larmes, de sang. Les quatre murs sont tapissés de fleurs. Des dizaines de cierges brûlent par terre. Le docteur les éteint un par un. Son assistant fait de même. Et on remarque que l'assistant est nerveux. Et il dit au docteur dans un murmure, « Docteur, les gardes du corps. » Alors Ara s'adresse aux gardes du corps. Il dit, « Entrez vite, s'il vous plaît. Chacun dans un coin, avec un extincteur. » Les gardes du corps prennent place. Ils regardent tous Evita. Les craquements des torches, le murmure, les milliers de prières se rapprochent de plus en plus. Et Ara parle comme s'il ne voulait pas réveiller Evita. Rapprochez-vous un peu d'elle. Son corps est imprégné de substances inflammables. Cet immeuble est recouvert de fleurs séchées. Une seule petite braise pourrait provoquer... Alors les gardes du corps se rapprochent, ils la regardent fixement. Et Ara, qui surveille la fenêtre ouverte, son assistant l'interrompt et dit, « Docteur, ça fait déjà un an que nous travaillons. »« Ah oui, c'est vrai, dit le docteur, vous méritez une augmentation. »« Non, non, ce n'est pas ça. » »« Il y a des rumeurs, docteur. On dit que les forces armées vont bombarder Buenos Aires. Je pense qu'ils attaqueront la CGT en premier. » »« Mais c'est absurde. Aucune armée ne bombarderait la capitale de son propre pays. » Des jours ont passé. Evita est toujours sur la table d'auscultation. On l'aperçoit dans la pénombre. Le docteur dort à côté d'elle, sur un canapé. Il tient un extincteur serré dans ses bras. On entend de la musique sacrée à la radio. Suivi, cette fois-ci, d'un sermon religieux. C'est la voix d'un curé. Mes chers enfants, nous vivons une période calamiteuse. Un mouvement diabolique, financé par les juifs, les francs-maçons, ronge les fondements spirituels de la société argentine. L'antéchrist nous gouverne. Ah, le docteur se réveille. Il a changé, il est moins propre. Il a des cernes. Le curé continue. Ils ont autorisé le vote des femmes. Ils ont donné aux bâtards le même statut qu'à nos enfants. Pendant ce temps-là, le docteur se lave le visage et les mains. Il s'accroupit et prie en silence. Et on s'aperçoit que le laboratoire ressemble à un appartement de célibataire. Des livres éparpillés, des photos, des couvertures, de la nourriture abandonnée. Off, ils ont légalisé le divorce. Ils ont interdit l'enseignement religieux dans les écoles publiques. Et maintenant, ils veulent créer une sécurité sociale pour les prostituées. Ara regarde la robe vulgaire d'Evita, il la coupe avec un bistouri, il la lui enlève en faisant attention à ne pas égratigner sa peau et il la jette à la poubelle. Ils ont remplacé le crucifix par des portraits de cette femme. Au lieu de vénérer le Christ sur la croix, ils adorent une catin trépassée. Le docteur frotte les cheveux d'Evita avec un liquide spécial qui atténue le blond platine. Mais nous n'avons pas perdu espoir, mes chers enfants. Nous confions notre destin aux deux institutions immuables et éternelles, les forces armées et la Sainte Église. Le Christ vaincra. Off, on entend la voix, la foule, les paroissiens. Le Christ vaincra. Le docteur n'écoute plus. Concentré, il retire le vernis trop rouge des ongles d'Evita. À ce moment-là, nous allons sur la Plaza de Mayo et des milliers de manifestants agitent des mannequins représentant des curés pendus. Ils crient, ils dansent, sauvages, et ils chantent la marche péroniste. Viva Perón, viva Perón, vive ce grand Argentin qui a su conquérir le peuple. Et puis, le vomissement des avions recouvre les champs et les manifestants regardent vers le ciel et un avion survole Buenos Aires et sur son fuselage on lit « Le Christ vaincra ». Maintenant c'est le lever du jour et un orchestre de la marine joue une joyeuse marche. Il s'arrête devant la CGT. Et là, on trouve le jeune aide-de-camp, Masséra. Il dépose une couronne de fleurs au pied du buste d'Evita. Il regarde la façade de la CGT et il observe le ciel. On est dans le laboratoire. On entend l'orchestre s'éloigner. Et le syndicaliste que nous avions vu auparavant et un garde du corps soutiennent Evita debout. Ils sont très impressionnés. Le docteur ajuste sur Evita un suaire transparent et le syndicaliste se met à pleurer comme un enfant. Le garde du corps se maîtrise avec difficulté, mais il est trahi par le tremblement de ses jambes. Et puis, une sirène retentit dans toute la CGT. Un deuxième garde du corps fait éruption dans le laboratoire. « Allez, tout le monde à la cave, vite !» Le syndicaliste et le garde du corps couchent Evita dans le cercueil avec précaution. « Allez !» Le docteur le retient et lui dit « Evita ne bougera pas du laboratoire. » On entend les avions. Le garde du corps sort de la salle, descend les escaliers 4 à 4. Et le syndicaliste dégaine son revolver, sort du laboratoire et on entend des tirs. Le docteur se retourne vers Evita, il l'examine, puis il ferme calmement, doucement le cercueil. On entend toujours les avions, des cris, puis 4 ouvriers entrent en courant. Ils ouvrent les malles et ils s'emparent de mitraillettes, ils sortent précipitamment. Le sang goutte dans les escaliers. Le docteur Ara commence à le gravir. La trappe qui mène sur le toit est ouverte. Un des syndicalistes gît sur le sol. Le docteur lui prend le pouls, l'ausculte. Il est mort. Puis, on retourne sur la Plaza de Mayo et des milliers de manifestants regardent le ciel. Une bombe tend dans une rue. Les pigeons s'envolent. Une autre bombe s'écrase sur une aile de la Casa Rosada. Une autre bombe tombe sur la place et panique. Des civils, des soldats poussent un canon antiaérien. Une bombe fait éclater un tramway plein d'enfants. Des voitures s'enflamment, des survivants rampent. Une femme pleure, son enfant mort dans les bras. Et des cadavres sont éparpillés. La ville est couverte de corps inertes. Maintenant, il fait nuit. À la radio, on entend de la musique sacrée. Au loin, des bruits de tirs, d'explosions. Et le docteur est là, dans le laboratoire, qui badigeonne le visage d'Evita avec une crème gélatineuse. Il la modèle dans ses mains comme si c'était de l'argile. Et il lui chuchote. Tu as fait toujours un grand sourire. Elle est où cette douleur, Evita? Il retouche les nuances dans son expression. Il la regarde de si près que la caméra ne pourra jamais avoir son visage en entier, mais un œil, une narine, une lèvre. C'est un geste indépendant de ta volonté. Le prognatisme de ta mâchoire supérieure t'oblige à garder les lèvres entrouvertes. On va corriger la douleur. On va conserver le sourire. D'accord? Alors le docteur se met des gouttes dans les yeux, il avale des cachets et il reprend son travail. On va effacer le ressentiment de paysanne ici, cette grimace de danseuse, cette violence contenue là, dans la jugulaire. Il rafraîchit le visage d'Evita avec un vaporisateur du calme. Comme ça, un visage pur, un sourire mélancolique, béat, exprimant la paix que Dieu nous promet dans l'au-delà. Parfait. Tu es prête pour l'éternité. Il contemple avec fierté son œuvre terminée et il sort du laboratoire avec un grand sourire, presque en courant. Ça y est. Le hall est désert, il descend vers l'étage inférieur, personne, mais des fleurs partout. Il entend des pas, il court, il cherche d'où ses pas viennent et il voit une femme de ménage qui revient de la cave. Enfin, c'est la femme de ménage que nous avions rencontrée auparavant. Elle revient avec un thermos, un maté et une assiette de tartines beurrées. Mais docteur, qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Ben, j'apportais des tartines beurrées, mais je ne trouve plus personne. Ils ont tout abandonné, tous, sauf vous et moi. Goûtez, elle lui tend l'assiette. Ah non, non, merci. Vous voulez la voir? Je viens de la terminer. La femme de ménage n'en croit pas ses oreilles. La voir? Elle, vous voulez dire? Madame? Je l'ai faite pour vous, non? Il monte les escaliers. La femme de ménage le suit. Il reste que le portier du fond. Il dit qu'il a vu l'âme d'Evita dévier les bombes qui allaient tomber sur la CGT. Y a de ces fous, non, docteur? On dit que Perronne s'est enfui. Vous pensez que c'est vrai? Le docteur lui répond, mais je n'en ai pas la moindre idée. La femme de ménage lui répond, mais si Evita était en vie, elle aurait résisté. Vous voulez un maté? Ah oui, c'est vrai. Les Espagnols ne boivent pas de maté, les pauvres. Tenez, mangez une tartine au moins. Elles sont au beurre. Ils arrivent au troisième étage, et la femme de ménage lui tend l'assiette. Il regarde les tartines luisantes de beurre, il est sur le point d'accepter quand il se rend compte qu'il doit enlever ses gants en latex. Mais prenez-en deux ou trois, docteur, c'est bon le beurre. J'en ai goûté pour la première fois, à 18 ans, le 7 mai 1948, à 17 heures. Alors le docteur regarde la femme de ménage pour la première fois. Son visage est vieilli prématurément à cause de ses dures conditions de vie, mais elle est tout de même belle, fraîche, avec de grands yeux noirs. Vous n'aviez jamais mangé de beurre avant? Je ne suis qu'une pauvre paysanne, docteur. Quand j'étais petite, les dames de la charité catholique me traitaient comme leur chose. Mais quand Evita est arrivée, tout a changé. Elle nous donnait des tartines beurrées. Vous l'avez vue de près? Mais bien sûr, c'est elle qui apportait les tartines elle-même. Elle m'a aussi glissé de l'argent en cachette, me disant, je te le rends, c'est le tien. Et elle m'a demandé pardon. Et vous savez ce qu'elle m'a donné encore? Et elle se met à pleurer. Elle m'a embrassée deux fois. Ici, et ici, Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'amour. Venez la voir, allez. Vous lui avez rendu ce regard plein d'amour. Le docteur sourit malheureusement. Le regard, c'est la seule chose que nous ne savons pas fabriquer. Mais n'ayez pas honte, entrez. Je vous en prie. La femme de ménage entre dans le laboratoire, mais elle n'ose pas regarder Evita. Elle se cache derrière la porte. Elle attend un moment. Le docteur mange sa tartine, les yeux dans le vague. La femme de ménage s'approche. Elle est magnifique. Je le savais. Vous êtes un génie. Je peux vous prendre dans mes bras. Le docteur sursaute, il a la bouche pleine. Pardon ? La femme de ménage serre le docteur dans ses bras. Merci, dit-elle. Le docteur reste un moment paralysé, puis il oublie sa pudeur et il enlace la femme de ménage. Dans le salon principal de la CGT, plus tard, il y a des fleurs séchées, des papiers, des photos d'Evita. Deux aides de camp de la marine donnent des coups de pied au vieux portier allongé par terre. Deux autres arpentent les lieux, il n'y a plus personne. Et notre macérat monte au troisième étage. Son élégant uniforme indique qu'il est passé officier. Accompagné de deux aides de camp, il essaie d'ouvrir la porte du laboratoire, mais elle est fermée à clé. Un des aides de camp s'apprête à démolir la porte. Macéra l'arrête d'un geste, il écoute, on entend les bruits à l'intérieur, et Macéra frappe trois coups à la porte. Les deux aides de camp mettent la main sur leur revolver. Macéra crie « Ouvrez ! La CGT est sous le contrôle de l'armée !» Le docteur Hara ouvre la porte avec un grand sourire. Ils entrent. Le docteur retire le drap qui couvrait le cercueil en verre. Et Macéra et ses hommes en ont le souffle coupé. On dirait qu'elle est vivante. Une œuvre d'art. C'est de la cire. Le docteur, très fier. Non, c'est un corps humain, intact. Je ne lui ai pas prélevé la moindre parcelle de peau. Et combien de temps elle restera comme ça? Toute l'éternité. Et on fait quoi si des milliers de fanatiques arrivent demain pour réclamer le corps? Tout à fait d'accord avec vous, dit le docteur. Ça fait des semaines que j'essaie d'entrer en contact avec le nouveau gouvernement. Il est urgent de transporter le corps dans un endroit plus sûr. Macéra, vraiment dommage, mais il va falloir qu'on le détruise. Le docteur rétorque que j'ai signé un contrat avec l'ancien président et je serai heureux de remettre mon travail au nouveau. J'ai rédigé un acte. On ne s'est pas bien compris, docteur. Vous êtes le dernier complice du régime déchu. C'est en prison que vous devriez coupir. Moi, je n'ai rien à voir avec la politique, absolument rien à voir. Oh, tout est politique, papy. Et Macéra éclate de rire. Ses soldats ferment la porte. Et si on l'enfermait, jusqu'à ce qu'il la fasse redevenir un cadavre normal? Mais c'est tout simplement impossible, messieurs. Enroulez-la dans un drap qu'on l'emporte, dit-il à ses soldats. Les soldats s'approchent d'Evita. Le docteur les en empêche. Vous devrez d'abord me passer sur le corps. Les soldats éclatent de rire. Allez, dégage, espagnol de merde. Je ne vous permets pas, dit le docteur. Il y a un soldat qui pousse le docteur qui s'affale sur le sol. Parfait, dit Macéra. « Mettez-le à quatre pattes et on l'embaume. » Le soldat, le second, allume la bombe à extraire le sang et on entend des bruits réguliers, identiques à ceux des battements cardiaques. L'autre soldat arrache la croix en fer qu'Ara avait clouée sur la poitrine d'Evita. Macéré avance, le docteur recule, il empoigne le bistouri, le brandit comme un couteau. Il est métamorphosé, enragé, rouge de colère, et on l'entend crier pour la première fois. « Foutez le camp ! J'en ai par-dessus la tête de tous ces Argentins prétentieux !» Ils éclatent de rire, les soldats dégainent le revolver. Macéra les arrête d'un geste. Le docteur regarde le revolver, il sort du laboratoire à reculons, le bistouri à la main. Il descend les escaliers en boitant, la chemise trempée de sueur. Le soldat demande à Macéra, « Je le descends. »« À quoi bon gaspiller du plomb ? Il descend tout seul, il ne voit pas qu'il est déjà mort. » Et nous ne verrons plus le docteur Ara. Septembre 1956, des forces armées reprennent le pouvoir. Une foule défile derrière les blindés avec d'immenses croix chrétiennes pour célébrer le retour de l'ordre moral. Partout, des chœurs virils entonnent la marche de la liberté. Mille fois une mort argentine. Des obus font exploser les bustes d'Evita érigés sur les places. Des employés municipaux balaient les débris. Aux mêmes endroits, ils s'installent des poubelles ou des calvaires. La résidence d'Evita est démolie. Des soldats font irruption dans les hôpitaux pour détruire tout ce qui porte l'inscription « Fondation Eva Perón ». Instruments chirurgicaux, draps, caisses de médicaments. On brûle toutes ces photos. Evita adolescente, boulotte. Evita starlette de radio. Evita première dame en tournée à Paris. Evita syndicaliste dans une mine de charbon. Evita assistante sociale, apportant du réconfort à des centaines de pauvres. Evita rongée par le cancer. Squelettique, donnant un discours devant une foule innombrable. Evita mourante. Sur un lit d'hôpital, en train d'introduire dans une urne le premier suffrage d'une femme argentine. Le même présentateur radio qui martelait sans cesse les regrets pour la mort d'Evita proclame maintenant son bannissement total. Suite au décret 3855-55, le président de la nation par intérim, le général Pedro Aramburu, ordonne la dissolution du parti péroniste. Sont interdits les mots péronisme, péroniste, justicialiste. Sont interdits les hymnes suivants, marche des camarades péronistes et Evita capitaine. Sont interdits les images, symboles, signes, expressions ou œuvres artistiques à venir ou déjà créées qui font référence au péronisme ou pourraient être interprétées comme telles. Sont interdites les photographies, peintures ou sculptures des fonctionnaires péronistes ou de leur épouse, amis et parents. Est interdit le nom du président déchu. Est interdit le nom de son épouse défunte. Nous sommes l'après-midi sur une base aéronavale. Quatre mains, gantées de blanc, poussent le corps inerte d'une femme sur le bitume. Ce corps est enveloppé dans une bâche. Seuls ses pieds nus, sa longue chevelure blonde dépasse. Deux aides de camp de la marine rouent de coups de pied ce corps inerte, lui crachent, lui pissent dessus, puis ils éclatent de rire. Le capitaine Masséra les regarde sans bouger. À quelques mètres de la Seine, sur une piste d'atterrissage, un avion est arrêté, ses hélices tournent lentement et sur la portière arrière, on lit « Le Christ vaincra ». Les aides de camp ouvrent la portière arrière, jettent la femme dans la cale de l'avion et les hélices tournent de plus en plus vite. Un fourgon noir arrive sur la piste à toute vitesse, s'arrête devant l'avion. Les aides de camp sont surpris, ils mettent la main sur le revolver et Masséra marche lentement vers le fourgon. Le conducteur baisse sa vitre. Cet homme s'appelle Koenig. C'est un quinquagénaire, robuste, pâle, engoncé dans son uniforme de colonel, couvert de médailles. Ses cheveux sont bruns, gominés, l'arrêt sur le côté, très marqué. Il porte des lunettes noires à monture dorée. Bonsoir, capitaine Masséra. Masséra observe les médailles de Koenig. Il essaie de lire son nom sur les plaques. Colonel Murray Koenig, service secret. Masséra presque s'excusant. Les officiers changent tellement souvent en ce moment, on dirait. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? C'est pas un parking. Koenig, faites évacuer vos hommes tous, sauf le pilote. Oh, Masséra a un rire nerveux. Koenig enlève ses lunettes de soleil. Ses yeux sont d'un bleu glaçant. C'est un ordre. Masséra se dirige vers ses hommes et juste à côté d'eux, il y a un camion de l'armée de l'air. Mécaniquement, le nouvel arrivant, Koenig, consulte sa montre à gousset. Il est 8h40 et sur le cadran, en lettres d'or, on lit « Toutes les heures blessent, la dernière tue ». Maintenant, il fait nuit et Koenig monte à l'arrière de l'avion et il regarde la femme inerte à la lueur d'une lampe torche. Masséra l'attend à l'extérieur. Il ajuste ses gants blancs sur ses doigts. Il y a plein de prolos puants. Koenig se retourne. Comment? Ils sont partout. Faites attention, dit-il en regardant par-dessus son épaule. J'ai l'impression qu'on m'a suivi. Koenig regarde autour de lui. La base est déserte. Les seules lumières sont celles de la piste d'atterrissage. Et des ombres suspectes se déplacent au loin. Koenig, suivi par qui? Masséra. Mais qu'est-ce que j'en sais? Ces prolos. Ouais, on dit qu'ils ont formé un commando pour la récupération du corps de la martyre du travail. C'est vrai, ils veulent nous la voler et la faire voyager dans tout le pays pour soulever le peuple. Cette pute est plus dangereuse morte que vivante. Koenig ignore Masséra, il défait une corde qui maintient le corps enveloppé dans une bâche. Masséra, vous voulez l'enterrer, mais vous êtes dingue. C'est une connerie. Une connerie d'Aramburu, il veut sûrement faire carrière dans la politique. Vous parlez du général Aramburu, le président par intérim de la nation? Alors Masséra baisse d'un ton. Non mais je vous parle en ami. Les prolos vont chercher à la récupérer jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pourquoi on la jette pas à la mer? Koenig, c'est exactement ce que vous allez faire. Masséra, satisfait. Koenig soulève la bâche, découvre les mains croisées sur le ventre et on reconnaît les doigts fins et blancs d'Evita. Il recule d'un pas horrifié, mais Koenig dit, mais il lui manque un doigt. Masser a fait un effort pour ne pas rire. Excusez-moi, mon colonel, mais peut-être que mes subordonnés le lui ont fourré dans le... Koenig ne laisse rien paraître de son irritation. Sa voix est claire. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une seule chose, une seule fois. Et il sort de sa veste un morceau de papier blanc. Un tampon avec de l'encre pour prendre l'empreinte de l'index droit d'Evita. Si on vous pose des questions, vous direz que j'ai vérifié l'identité de la défunte et que je suis parti. Rien d'autre. Koenig compare l'empreinte avec celle prise sur une photocopie. Il jette un coup d'œil à l'intérieur de l'avion et il dit à Masséra, le pilote ne peut pas voir la cave, c'est parfait. Vous seul allez voyager avec lui et quand vous serez dans les airs, vous ouvrirez la portière pour qu'il entende et il prend Evita par les épaules, il la dépose à l'arrière du fourgon et monte à la place du conducteur. Masséra vient de comprendre, mais vous ne voyez pas que c'est dangereux? C'est comme si un assassin détruisait toutes les traces de son crime et laissait le cadavre sur la table. Koenig, mais nous ne sommes pas des assassins. Masséra, mais c'est une métaphore, mon colonel. Pensez à ce que vous êtes en train de faire. Et pour la première fois, Koenig le dévisage. Notre fonction n'est pas de penser, mais d'obéir. Et Masséra fait le salut militaire en faisant claquer ses talons. Plus tard, on est dans le garage des services secrets, et immédiatement après l'entrée du fourgon dans le garage, il y a un jeune soldat qui s'appelle Robles et qui baisse le rideau métallique et se dirige vers la vitre du conducteur, et ce conducteur, c'est Koenig. Pas de problème, Robles? Aucun, mon colonel. Koenig observe Robles, entrouvre tout au coup la portière, et Koenig sursaute. L'étui du revolver de Robles n'est pas bien fermé. Koenig referme le bouton pression avec un sourire paternel. « Toi, tu vas monter la garde à l'extérieur. Que personne n'entre, quoi qu'il arrive. Personne, même pas toi. À 8h20, je m'en vais. Toi, tu vas dormir et je n'ai jamais été là. » « Compris, mon colonel. Ne te laisse pas distraire. C'est une mission dangereuse. » Robles sort par la petite porte du rideau métallique. Koenig le suit des yeux. Il regarde l'heure. Et là, il allume un émetteur radio. Orphée pour Cerbère. À vous. Court silence. Une voix monotone, nasillarde. Je vous reçois. Orphée, à vous. Colis récupéré. À vous. Parfait. Pas une minute de retard. Dans quel état est le colis? À vous. On ne m'a pas demandé de vérifier. Vérifiez, s'il vous plaît. Le colis doit se trouver en assez bon état pour être présenté à Monseigneur. À vous. Compris. Une minute, s'il vous plaît. Koenig passe alors dans la partie arrière du fourgon. Il en trouve à peine la bâche qui recouvre Evita. Ce qu'il voyait sans lui donne un haut de cœur. « Toujours là ?» on entend. « Un problème ?» Koenig referme la bâche tout d'un coup, il s'essuie les mains sur son pantalon et il reprend le micro. « Le colis, il a souffert. À vous ?»« Arrangez-le, agissez seul. » »« Mais il est presque minuit, ce n'est pas dans mes attributions. » « Le général Aramburu ne vaut aucun témoin vivant. Si vous en avez besoin, prenez un des gardes. Mais n'informez personne sur le contenu du colis. Si quelqu'un est au courant, il faut l'éliminer. » La bâche a glissé et laisse entrevoir les cuisses d'Evita. Koenig, pris de panique, les recouvre brusquement. Plus tard dans la nuit, Robles monte la garde devant le garage des services secrets de l'armée et le rideau métallique s'ouvre tout à coup. Koenig monte sur le siège du conducteur, sort le fourgon, appelle Robles. Robles descend le rideau, Koenig surveille les alentours et... Soudain, son regard se fige au pied d'un arbre, à côté du fourgon. Il y a un petit bouquet de fleurs. Du bougie allumé. Mais qu'est-ce que c'est? Qui les a mis? Les bougies, aucune idée. Dernièrement, il y en a partout. Comment ça, aucune idée? Quand les a-t-on mises? Sûrement cette nuit. Mais non, il n'y a presque pas de cire par terre. Koenig observe autour de lui. Il regarde Robles. Aujourd'hui, je te veux sourd et muet. Robles ferme les yeux, fait semblant de se coudre la bouche. Ça arrache un sourire à Koenig qui lui dit « Monte ». Et alors à ce moment-là, le fourgon est dans les alentours de Buenos Aires et qui roule dans la banlieue. Koenig conduit, il surveille la route dans le rétroviseur et à l'arrière du fourgon, il y a une caisse métallique de la taille d'un petit cercueil et sur son couvercle, on lit Radio Naval, Belgrano, la voix de la liberté. Koenig lui dit, mais j'ai besoin d'une douche, t'as pas une idée? Une douche pour se laver? Bah oui, un lieu assez grand pour que l'on puisse entrer sans être vu. Maintenant? Oui. Il allait poser d'autres questions, il se retient, il réfléchit, il regarde la route. Je pense à un endroit. Vous avez demandé une escorte, lui dit-il, parce qu'il a vu quelqu'un dans le rétroviseur. Une escorte. Koenig sort son revolver, regarde derrière lui et il appuie sur l'accélérateur. Maintenant, le fourgon roule sur un chemin de terre et la caisse métallique brinque-balle au gré des dénivellations du terrain. Et son assistant se retourne brusquement. Koenig lui dit, qu'est-ce que tu regardes? Rien, mon colonel. On est dans la bonne direction. Presque arrivé. Le chemin de terre n'est pas éclairé et aux alentours brillent des lumières de bidonville avec des hangars, des usines. Mais comment tu sais qu'il n'y a personne la nuit? Mais parce qu'il n'y a qu'un veilleur de nuit, c'est mon oncle. Koenig, t'as un oncle ouvrier? Pas ouvrier, veilleur de nuit. Tu vas m'attendre avec lui à l'entrée. C'est là. Koenig freine, il examine les lieux. Une usine d'espadrilles. Toutes lumières éteintes, une ditoune fermée. Et ça, il y a une banderole accrochée, usine en grève. Koenig et son assistant se regardent étonnés sur le qui-vive. Il y a des mouvements dans l'obscurité, des voix. Koenig panique, il appuie sur l'accélérateur. Robles essaie de l'arrêter, mais le fourgon est déjà engagé dans des chemins obscurs. Et il est obligé de s'arrêter à un passage à niveau. Ses phares éclairent un mur, il y a un graffiti. Les Russes et les Yankees reconnaissent cette dictature par notre bidonville. La barrière ne remonte pas. Aucun train n'arrive. Koenig, en soupirant, c'est bidonville Manuelita. Ah non, il est plus au nord. On est où alors? À ce moment-là, une lumière vient vers eux. Elle se balance d'une manière étrange. Koenig la regarde, très inquiet. Mais je ne sais pas, mon colonel. Et au fur et à mesure que la lampe se rapproche, on se rend compte qu'il s'agit d'une ouvrière avec une béquille, un gros sac à dos. Et sa démarche suit le mouvement de balancier de son pas chaotique. Elle regarde le fourgon avec méfiance et continue sa route au milieu du chemin de fer. Koenig caresse la crosse de son revolver. À ce moment-là, Robles lui pose une question. « Vous permettez, mon colonel ?» Koenig lui dit « La curiosité tue. » Puis il regarde l'heure et il allume la radio. « Orphée pour Cerbère, vous me recevez ?» Pas de réponse. Koenig laisse la radio allumée, on entend des grésillements, des voix déformées. Pendant ce temps-là, il roule très lentement sur le chemin parallèle au bidonville. Il surveille les alentours et au loin, il aperçoit une lumière jaune. On aurait dû acheter quelque chose, t'as pas faim ? Robles est moustillé, ça sent les grillades. Et le fourgon s'arrête juste devant la petite lumière qu'on apercevait auparavant. 3 bougies d'anniversaire, entourées d'offrandes, cigarettes, pièces de monnaie et un portrait d'Evita, découpé dans un magazine. Koenig se perd dans la contemplation du visage d'Evita. Et puis on entend tout à coup un bruit sec, indéfinissable, inquiétant. Il revient à lui, il sort son arme, une fumée épaisse. Son assistant se met à tousser, il commence à avoir peur. 2 chiens aboient, on entend un autre coup, un des chiens gémit, un homme éclate de rire et on aperçoit à 30 mètres un feu au milieu du bidonville, caché par le brouillard. On ne voit pas bien s'il y a des gens autour. Puis on entend une voix off, un ouvrier. Une saucisse, camarade ? Koenig sursaute, un grand couteau est tout près de sa vitre, un morceau de viande est piqué sur le couteau. « Vous êtes perdu !» Et l'ouvrier regarde à l'intérieur du fourgon. Koenig ne bouge pas, Robles s'empare de son revolver. « Du calme, l'ami, le couteau, c'est pour la viande !» Et il mâche son bout de viande. On entend d'autres voix, des rires masculins. Un autre ouvrier crie off. « Dis-leur de descendre, on prépare un putain de barbecue !» À ce moment-là, Koenig appuie sur l'accélérateur. Alors maintenant, le fourgon est devant la station-service. Le Koenig, toujours à la place du conducteur, observe l'extérieur. À travers sa vitre, un employé qui remplit le réservoir du fourgon, Robles qui le paie. Et juste à côté de la station-service, il y a un garage dans l'obscurité. On distingue un long tuyau enroulé sur lui-même. Koenig ouvre sa fenêtre et dit « Robles, viens !» Robles court jusqu'à sa fenêtre. Et Koenig lui parle à l'oreille. L'employé rentre dans son local et Robles le rattrape. Ce qui se passe, moi je pense que l'employé de la station-service, il a vécu sa dernière heure. Bon. Le fourgon est à l'arrêt dans le garage, les portières sont ouvertes, de l'eau coule. Koenig ouvre la caisse métallique sur laquelle est écrite Radio Navale, Belgrano, la voix de la liberté. Et il sort Evita, toujours enveloppé dans son suaire. Et avec l'eau qui coule du garage, il la lave avec le tuyau. Gênée, elle est nue. Il essaie de la regarder le moins possible. Et une fois le lavage terminé, Koenig remet Evita dans sa caisse et le sueur s'accroche au fermoir, se déchire. « Merde !» dit Koenig. Puis maintenant, il fait jour. On entend des piaillements d'oiseaux, des rires d'enfants. On est sur une place, Koenig est endormi. Allongé à l'arrière du fourgon, son corps bloque les portières. Il a une main sur son revolver, une autre sur la caisse. Et sur une place ensoleillée, un petit garçon qui fait jongler un ballon de football sur son pied sa poitrine, sa tête. Koenig se réveille et il regarde l'enfant avec un sourire attendri. Son assistant Robles est assis sur le siège avant les yeux fermés. Robles, tu dors ? Jamais, mon colonel. Allez, sors te dégourdir les jambes, je t'appellerai. Robles descend du fourgon et Koenig prend la radio. Orphée pour Cerbère, à vous. Bien reçu, Orphée, à vous. Mais je vous ai appelé toute la nuit. J'ai besoin d'encore une heure au moins. À vous. Désolé, la nuit je dors. Pourquoi encore une heure ? Koenig, l'habit du colis est déchiré. Il va falloir que je trouve un autre vêtement. À vous. La voix du contact. Je vais voir ce que je peux faire. Là, on se trouve sur une autre place et Koenig ouvre une portière. Il met prudemment un pied à l'extérieur et Robles passe sur le siège passager. Son visage marqué par l'inquiétude. Koenig se regarde dans le rétroviseur, il défroisse sa veste, remet ses médailles, il fait quelques pas sur la place, il regarde par-dessus son épaule. Il tourne rapidement au coin d'une rue pendant qu'un policier s'approche de Robles. Koenig entre dans une galerie d'art où sont exposées les robes, les chaussures, les chapeaux et les bijoux d'Evita. Prix exorbitant de chaque objet indiqué en lettres majuscules, suivi d'un point d'exclamation. Très peu de visiteurs. Deux dames s'arrêtent devant une robe Dior qui porte le carton, $100,000. Le tyran envoyait un avion à Paris pour aller la chercher. La dame, oh, ce serait tout à fait légitime pour une princesse qui aurait du sang royal, mais pour une paysanne bâtarde. L'autre dame, mais le plus honteux, c'est que c'était le contribuable qui payait pour les tenues de cette catin. C'est-à-dire nous-mêmes. Tout à coup, derrière la vitrine de la galerie, on voit passer le fourgon. Koenig ne le voit pas, il est concentré sur sa mission. Il touche, il sent les objets, les vêtements d'Evita. Et puis, à côté, il y a un couple de prolétaires, les quatre enfants, engoncés dans leurs habits du dimanche, et qui admirent un chapeau, richement décoré. L'homme en murmurant, quand on avait coupé la route, elle était venue nous voir avec ce chapeau. Sa femme, avec celui-là, t'es sûr ? Mais certain, elle est apparue au milieu de la nuit. La Russe de la Ligue communiste lui a demandé comment elle osait se montrer aux pauvres dans cette tenue, et elle a répondu, « Mais c'est pour eux que je m'habille en princesse. » Et elle m'a regardé. Elle a dit ça. Mais oui, elle a dit ça. Avec des mots encore plus jolis. Il y a un soldat qui monte la garde. Koenig lui fait signe de venir, lui montre une robe blanche et lui parle à l'oreille. Et on se retrouve sur la place. Avec Koenig qui marche les yeux rivés au sol en cachant le plus possible aux passants ce qu'il tient dans les bras, les habits d'Evita. Tout à coup, au coin de la rue, il lève les yeux. Il s'arrête net. À la place du fourgon, il n'y a que des traces de pneus. Alors il court dans tous les sens. De l'autre côté de la rue, deux soldats de la marine cherchent une caisse d'armes de la taille d'un petit cercueil. Koenig les observe de loin. Il court les rejoindre. Un klaxon le fait reculer. Son regard est distrait. Il court. Il se cogne contre une jeune femme, ce qu'il tenait dans les bras. S'étale sur le trottoir, une robe blanche, des bas, des dessous féminins. La jeune femme rougit, elle part en courant, et Koenig la suit du regard. Elle porte un chignon blond, comme Evita. Et au pied d'un buste d'Evita démoli, on a déjà déposé un bouquet de fleurs et une bougie. Une femme et ses trois enfants, qui jouaient sur la place, regarde effrayé Le colonel piétinait les bougies avec une robe dans une main, un revolver dans l'autre. Et il prend conscience de l'absurdité de sa situation. Il range son arme et tout d'un coup, il aperçoit le fourgon qui est garé à l'ombre d'un arbre. Et Robles, naturellement, est profondément endormi sur le siège du conducteur. Koenig est tremblant, il est en sueur, il monte à l'arrière, il jette les habits d'Evita dans un coin, il regarde la caisse métallique. Le couvercle s'est légèrement déplacé. Et Koenig a un mauvais pressentiment. Il respire profondément avant d'ouvrir la caisse. Et le profil mystérieux d'Evita surgit. On dirait qu'elle va revenir à elle. Koenig soulagé soupire. Il contemple Evita. Il la contemple et il se perd dans ses pensées. Soudain, voix off. Cerbère pour Orphée, à vous. Cerbère pour Orphée, à vous. L'assistant se réveille, sent une drôle d'odeur. Dans le rétroviseur, il aperçoit Evita dans la caisse. Il est frissonnant. Et Koenig revient à lui, s'empare de la radio. Ici, Orphée, je pars, à vous. La livraison est décalée à demain, même heure, même lieu, à vous. Une nuit de plus, pourquoi ? Monseigneur ne pouvait pas vous attendre encore une heure. À demain. Terminé. Koenig se rend compte qu'il a laissé la caisse ouverte. Il surprend Robles en train de la regarder et il referme la caisse brusquement. Maintenant, le fourgon est arrêté devant une pizzeria et l'assistant Robles monte dans le fourgon. Il apporte une pizza dans un carton et il la pose sur la caisse en métal où repose Evita. Koenig l'observe attentivement et tous deux sont très nerveux. Ils tremblent. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ? Oh, c'est Evita, mon colonel. Un décret interdit de prononcer ce mot. 40 jours de prison. Puis il rit. Robles dévore une portion de pizza. Sérieusement, c'est... Oh, c'est prolo puant, dit Koenig en fixant la pizza avec un air de dégoût. Robles arrête de manger. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais de la salive, de la morve. Puis soudain, il sort quelques billets de sa poche, les tend à Robles, et il essaie d'avoir l'air détendu. Mais sa voix trahit une légère émotion. « T'as pas l'air dans ton assiette. Faut que tu reprennes un peu de force. Prends un taxi. Va manger dans un bon resto. J'ai 2 ou 3 trucs à faire. » Robles ne bouge pas. Il est en extase. On dirait qu'elle est vivante. Qui ? Elle ? Mais c'est pas elle. Oh, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as même pas vu. J'ai l'impression qu'elle va se réveiller. Elle est tellement... C'est nouveau. Les aveugles le voient maintenant. Elle est magnifique. Et Koenig, à son tour, est au bord des larmes. Mais il regarde Robles fixement. Petit con, descends. Achète du whisky, 2 verres. Et si tu te perds en chemin, tant mieux. Allez. Robles sort du fourgon. Koenig retient ses émotions. Il essaie de garder le visage impassible. Mais les larmes coulent sur son visage. Le fourgon, maintenant, est garé sur une côte déserte, au fond du Rio de la Plata, et le soleil flotte sur l'océan Atlantique. On entend seulement le doux ressac du fleuve, les oiseaux matinaux, et Koenig et Robles sont assis à l'arrière du fourgon, dans la même position qu'au début, face à face, la caisse au milieu. Une bouteille de whisky, deux verres sont posés sur la caisse. Koenig remplit les verres. Cul sec. Robles est surpris, mais il obéit. Il boit le verre entier, il tousse. Koenig avale le sien et prend immédiatement la bouteille à nouveau, remplit les verres, boit cul sec. Robles l'imite. Koenig regarde Robles en silence et il joue avec le lacet de sa chaussure, une Rangers. Il l'enlève distraitement. Der Mensch ist eine Brücke, nicht ein Ziel. Qu'est-ce que ça veut dire? Koenig lui dit, l'homme est un pont, pas un but en soi. Un pont? Eine Brücke zum Übermenschen. Il rit amèrement. Parfois, je pense que toute la vie d'un homme est justifiée par un seul moment. Si l'homme vit ce moment avec plénitude, dignité, comme un homme, un vrai, c'est gagné. Gagné, oui. Il a accompli sa mission sur Terre. Mais pourquoi vous me dites ça? Cette femme est la plus dangereuse de tous nos ennemis. Elle est au-delà de la mort. Elle n'a jamais eu peur d'ailleurs. Et ça, c'est la qualité sine qua non pour être un bon soldat. Ne jamais attendre la mort, mais aller la chercher quand il est encore temps. À ce moment-là, il regarde l'heure à sa montre, 8h20. Toutes les heures blessent, la dernière tue. Dans 1h10, dit Koenig, je vais rendre le corps à Monseigneur Cornicelli. Tu sais qui c'est? Monseigneur Cornicelli vient spécialement du Vatican pour certifier que nous donnons à cette femme une sépulture chrétienne. Tu comprends, Robles? Elle nous a humiliés. Elle a souillé la nation. Elle est une offense à nos valeurs occidentales et chrétiennes. Mais nous, on va la traiter comme un bon soldat traite un général ennemi, avec dignité. À ce moment-là, Robles est pris de peur. Pourquoi vous me racontez tout ça? Mais j'avais besoin de le raconter à quelqu'un. Sinon, ce serait comme si je ne l'avais pas vécu. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai peur. De quoi? Je sais pas. On t'a jamais appris à la fermer? Comment? Dans un mouvement imperceptible, Koenig ouvre l'étui de Robles. Il s'ouvre tout le temps, t'as vu? Ton étui de revolver. Et il s'empare du revolver de Robles, il l'examine, et il enlève le chargeur. Tu l'as nettoyé comme je te l'ai appris? Nettoyé, huilé, toutes les nuits? Raconte-moi quelque chose, toi. T'as une fiancée? Non. T'as déjà baisé? Robles détourne le regard, et il voit la robe blanche, les dessous féminins entassés dans un coin. Il regarde par la fenêtre complètement perdu. Oui ou non? Il marmonne mais ne répond pas. Koenig le regarde fixement. Même pas une fois. Si, si, une seule. Avec une pute? Robles ne répond pas. Ça n'a pas d'importance. Toutes des putes. C'est pour ça qu'on les aime. Robles sourit. À ce moment-là, Koenig le saisit par derrière. Un mouvement rapide, précis. Le col sur la poitrine et l'étrangle avec le lacet de sa Ranger. Robles se débat et terrifié, Koenig tire un coup sec, le lacet se casse. Robles reprend peu à peu son souffle, se masse le cou et il regarde Koenig avec des yeux pleins de larmes d'incompréhension. Cerbère pour Orphée, Cerbère pour Orphée. Koenig couche Robles sur ses genoux, casse un verre de whisky vide, le brise contre la caisse et il égorge Robles avec un morceau de verre. Serveur, vous refait, vous me recevez? Königberg se Robles. Cerbère pour Orphée à vous. Cerbère pour Orphée à vous, vous me recevez? À ce moment-là, König prend l'émetteur sans lâcher Robles. Ici Orphée, à vous. Livraison confirmée demain à 10h30, à vous. Anschuldigung. Quoi, vous me recevez? À vous. Anschuldigung. Orphée, tout va bien. Quelle est votre position? König répond, je ne peux pas déterminer ma position pour le moment. Mais qu'est-ce qui se passe? À vous? Rien, absolument rien. À vous. Vous ne savez pas où vous êtes? Il berce toujours le corps de Robles. Si, je sais. Excusez-moi. Rio de la Plata, derrière Peru Beach. Terminé. Un moment. Orphée. Dites-moi ce qui se passe. Y a quelqu'un avec vous? Vous avez eu un problème avec le colis? À ce moment-là, König arrache le fil de la radio et l'étire machinalement, comme s'il voulait étrangler quelqu'un. La caisse métallique est pleine du sang de Robles. König l'ouvre, pendant que les yeux rouges de Robles semblent le regarder. König lui ferme les yeux. La bâche est aussi toute tachée. König la découpe doucement avec un bout de verre et on dirait que la pâleur de la peau d'Evita illumine le visage sombre de König. On le retrouve plus tard au bord du Rio de la Plata et il se lave les mains dans la rivière. Il enlève sa veste pleine de sang. Il la plonge dans l'eau, il fait de même avec son pantalon, il accroche ses habits aux branches des arbres, lave une à une ses médailles, et la robe et les dessous d'Evita sont étendus sur une grande pierre. Maintenant c'est la nuit, elle tombe doucement et un bateau passe sur le Rio de la Plata et ses phares éclairent faiblement la côte. König est toujours accroupi à la même place, il est en slip, et à côté de lui, dans l'ombre, Evita gît, entièrement nue. Puis vient l'aube, König n'a pas bougé, il regarde le paysage, la lumière dorée de l'eau fait peu à peu émerger Evita de l'obscurité, et il y a du sang sur les joues d'Evita. König les efface avec son mouchoir. Il y a du sang sur la poitrine d'Evita. Et König frotte cette peau marmoréenne. Il insiste, méticuleux, comme s'il était hypnotisé. Les cuisses d'Evita aussi sont rouges. König s'accroupit pour les nettoyer et il trébuche et il tombe sur Evita. On entend un hennissement au loin et il caresse les épaules d'Evita, il caresse ses joues avec une main d'Evita, il se penche pour sentir la poitrine d'Evita, son cou, ses cheveux. Il la couvre de baisers. On est dans le fourgon, près du Rio de la Plata. Le fourgon revient sur la route. König conduit, il est complètement absent. Pour la première fois, sa veste est entrouverte. Il freine tout à coup et se cache entre les sièges. Un jeep militaire est garé derrière le bois et deux soldats accroupis à l'arrière ces deux soldats visent le fourgon avec leur mitraillette. Koenig cherche désespérément le fil de la radio, le casse avec ses dents, le reconnecte et après quelques essais infructueux, il parvient à rétablir le contact radio. Orphée pour Cerbère, à vous. Orphée pour Cerbère, à vous. Après un court silence, la voix monocorde, interrogative, de retour parmi nous. Le fourgon se gare devant la cour d'une église. La jeep avec les deux soldats l'escorte. Koenig descend du fourgon. Sur le pas de la porte de l'église, il fait le salut militaire. Un officier lui demande de rendre son arme. Koenig tend son revolver. On reconnaît la voix nasillarde de l'officier. C'était celle du contact radio. « Aucun témoin ?» dit l'officier. Koenig répond. « Un seul. Mort. » Le contact a quand même l'air préoccupé. Koenig le dévisage. Et son regard est attiré par les rangers du contact. Il remarque un cordon qui manque à l'une des chaussures. Dans l'intérieur de l'église, Koenig et le contact déposent la caisse métallique dans l'allée centrale. Le contact l'ouvre. Koenig reboutonne sa veste, il s'agenouille, se signe. Il observe les alentours et il voit une statue de la Vierge de la Guadeloupe avec un bâton de commandement et un bandeau présidentiel. Et à ses pieds, en lettres dorées, une inscription « Vierge de la Merci, Générale de l'armée argentine, Ora pro nobis. » Koenig regarde le contact du coin de l'œil. Il le voit se rapprocher derrière lui, enrouler le lacet sur chacune de ses mains et se préparer à l'étrangler. Il regarde la caisse. Evita est livide, impeccable dans sa robe blanche. Et Koenig ferme les yeux. En 1969, l'Argentine explose. C'est un mai 68 à la violence redoublée. Des universités se sont alliées aux syndicats pour combattre la dictature. Des milliers d'étudiants et d'ouvriers inondent les rues. Ils agitent des pancartes avec les portraits du Che Guevara, de Perón et d'Evita. Une immense banderole proclame « Votre liberté à la couleur du sang ». Les bureaux des multinationales brûlent. Les manifestants affrontent la police à cheval, bâtons, pierres, vitrines cassées, gaz lacrymogène, poursuite. C'est une véritable guerre urbaine. Voitures en flammes, fumée noire, explosion. Sur une palissade, sous un portrait d'Evita avec son célèbre chignon, une jeune femme gribouille une citation. Je reviendrai, et je serai des millions. Je reviendrai et je serai des millions. Fragment d'un scénario de Pablo Aguero, Grand Prix Sopadin du meilleur scénariste. Avec, là je vous laisse préciser, Pablo. Et avec Jeanne Moreau, Denis Lavant. Et bon, je suis Pablo Aguero, l'auteur du texte, et j'ai co-réalisé cette émission avec Jacques Taroni, qui est à mes côtés. Parlons d'abord de cet enregistrement en public au Festival Premier Plan d'Angers le 22 janvier 2013. Devant, je crois, plus de 800 personnes, Jeanne Moreau, seule, invitant les auditeurs, spectateurs, à suivre votre Evita. Il y a un moment, je suppose qu'il y a une émotion tellement forte, on entend l'applaudissement à la fin de l'enregistrement. Oui, c'était comme une sorte de rencontre à travers le temps entre Evita et Jeanne Moreau, deux grandes figures de femmes. L'idée de choisir Jeanne Moreau pour lire ce scénario, elle est venue immédiatement, d'autres noms s'imposaient. Non, je trouve qu'elle a une justesse unique pour le texte, un juste point entre la froideur et l'expression. C'est ça, la parole froide, le cœur brûlant. Et c'est ça qu'elle a en fait. Elle a une apparence de froideur, de neutralité, mais une émotion à l'intérieur, qui est très difficile à trouver. C'est très délicat de lire un texte à haute voix. Il y avait tout d'abord ça, et ensuite aussi sa voix, la profondeur de sa voix, dont la tessiture est liée pour moi à la rugosité de la voix d'Evita et des archives et de toute la matière sonore avec laquelle on allait travailler. Elle impose d'emblée, par la qualité de sa diction et de son émotion, une Evita qui est tout à fait aux antipodes de l'image hystérique qu'on peut avoir d'elle. Oui, et je pense qu'on a aussi une image de l'amour et on n'a pas l'image de la... cette espèce de syndicaliste enflammée qu'elle était. Mais je voudrais savoir, Pablo, pourquoi vous avez choisi Denis Davant pour compléter ce texte de Jeanne? C'est un des acteurs français qui m'émeut le plus, justement, que je trouve le plus charnel, le plus, en même temps le plus spontané. C'est vrai que la voix de Jeanne Moreau et celle de Denis Davant donnent une matière sonore qui, pour moi, ont une très grande efficacité émotionnelle. Je cherchais une texture âpre, rock. Dans cette version radiophonique, une musique originale du groupe franco-argentin Gotham Project, le groupe de Muller et Makarov. Alors là, c'est pareil, il y a comme une évidence pour vous d'emblée, pour la version radiophonique. Oui, c'est-à-dire que le film est complètement argentin, mais l'émission radiophonique est complètement française. Et je me demandais comment faire le lien entre ces deux cultures. Et le groupe Gotham Project, un groupe de tango argentin, français, qui représentait pour moi ce mélange de cultures, est apparu comme une évidence, surtout le jour où je me suis rendu compte que l'un de leurs morceaux les plus célèbres était basé sur une phrase d'Evita enregistrée, samplée, c'est-à-dire qu'il passe en boucle comme si Evita chantait. Et cette phrase-là est justement la première phrase de mon film, là où elle critique le capitalisme international. Et du coup, je les ai appelés, ils ne travaillent plus sous la forme de Gotham Project, maintenant ce sont deux de leurs membres qui composent de la musique ensemble, pour le cinéma aussi, ce sont Muller et Makarov, et ils ont composé deux morceaux qui sont des musiques spécifiques pour l'émission radio. Et on a travaillé aussi sur une phrase d'Evita, une autre phrase d'Evita, quand elle dit qu'elle reviendra morte ou vivante, parce que les militaires veulent renverser le gouvernement, et elle les menace, elle leur dit « Si vous faites quelque chose, je reviendrai morte ou vivante pour tout renverser. » Elle dit ça juste avant de mourir. Alors on a fait un sampler de cette phrase « morte ou vivante » dite par Evita en espagnol et dite par Jeanne Moreau en français, et on les a incorporés à la musique. Il y a donc deux musiciens qui sont venus dans les studios de France Culture enregistrer cette bande-son. Oui, au violon Dean Fenoglietto et au bandoneon Facundo Torres. Ce scénario, il a une traductrice, Anne Aguero, et une collaboration à l'écriture de Santiago Amigorena. Qu'est-ce que vous entendez par collaboration à l'écriture? J'ai travaillé sur ce projet presque pendant 5 ans. J'ai fait des recherches historiques, j'ai écrit des versions de fiction, j'ai repris des recherches, c'est ce qui m'a fait reformuler la fiction. Et à un moment donné, on était vraiment saturés, et les producteurs, qui étaient mes seuls interlocuteurs, et moi, et on n'arrivait plus à débloquer cette situation. Alors on avait besoin d'un regard d'un tiers, complètement extérieur, qui fasse des critiques et des suggestions. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenu Santiago Amigorena, qui est un scénariste de longue trajectoire en France. Et pourquoi, Pablo, cette volonté en 2013 de nous obliger à repenser le parcours de cette femme? Et pour nous, cette femme symbolise la lutte contre l'injustice sociale. Le parti, à l'époque, s'appelait pas parti péroniste, mais justicialiste. C'était un néologisme qui voulait dire le parti et la justice sociale. Ça ne veut pas dire que je suis péroniste que je suis pour ce mouvement politique particulier. Mais cette femme, pour nous, était un symbole très très fort parce qu'elle s'est vraiment battue contre les inégalités. Et je pense que cette lutte est toujours présente et cette manière de la mener aussi. C'est-à-dire que à l'époque d'Evita, des foules, je parle d'un million, deux millions de personnes, sont sorties dans la rue et ils ont renversé une dictature par leur seule présence. Et ce genre de phénomène revient aujourd'hui. Il est revenu en Argentine régulièrement. En 2001 aussi, on a renversé un président juste en sortant dans la rue. Cette espèce de contact direct avec le peuple qui semble impossible pour les classes politiques aujourd'hui est pourtant très présent. Alors il me semblait très important de revenir en arrière et de me pencher sur ce phénomène. Pas tellement faire un film sur le péronisme ou sur le phénomène argentin en soi, mais sur le phénomène des masses qui réclament leurs droits et leur droit à l'égalité des chances, à la justice sociale. Une conseillère littéraire, Céline Geoffroy, une équipe nombreuse, puisque cette aventure a commencé le 22 janvier 2013, Olivier Beurotte, Claire Levasseur, Guy Peramor, Pierre Henry, Arnaud Chapat, Bastien Varigaud, Cécile Lafont et Louise Loubrieux. Réalisation de la version radiophonique que nous venons d'entendre. Bon, c'est Jacques Tarani, c'est-à-dire toi. Et Pablo Aguero. Le film est en cours de financement, Pablo. Oui, il est produit par JBA Productions, une boîte de production française. Et nous avons déjà une partie de financement et on espère tourner bientôt. Très bientôt.